La loi, c'est moi. La porte d'entrée claqua violemment derrière Amélie, les rotors des quatre serrures grinçant. Le vacarme brisa le silence de minuit, un instant seulement, comme une pierre dans la mare. C'était toujours paisible dans la banlieue fortifiée de Belœil, malgré l'annonce du crash boursier, le démantèlement de l'État, la loi martiale. Les fenêtres étaient éteintes dans toutes les maisons, les arrosoirs préprogrammés, les pétunias blancs et violets. Comme si rien n'était. Seule Amélie portait les marques. Elle déambulait dans le corridor, épuisée, son armure ternie et souillée par le sang et la poussière. Casque bosselé sous un bras, FM 2000 pendouillant lâchement au bout d'une sangle. Au passage, elle renversa la table d'entrée, le bol à clé allant rouler platement sur le tapis beige. L'écho d'une foule en délire retentit à travers la maison jumelée. Amélie grinça des dents. Les tisons de la haine brûlaient toujours au creux de son ventre, mais l'atmosphère soporifique était capable de tout étouffer. C'était là, le vrombissement d'un moteur, le changement des vitesses. Une course de voiture, Jonathan négociant chaque courbe depuis le confort de son fauteuil. Hypnotisé. Sur ses poignets luisaient quatre dermes de l'oxycalm, une forte dose. Peut-être avait-il vu les nouvelles, finalement. « Peux-tu croire à ça ?» dit Amélie en traînant les pieds. « C'est vraiment l'enfer, en ville, partout, en fait. La panique. Ça va mal. Tu comprends, Joe ?»« Mais pas ici, non. Ici, tout est toujours tranquille. » Elle lança sa mitraillette sur la table du salon, renversant deux bouteilles de fizz pop vides. Mais son mari ne réagit pas. « Hum ?» gémit finalement Jonathan. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» murmura Amélie, plus à elle-même qu'à son mari. « Comment ça se peut ? Après tout ce qui m'est arrivé, ce que j'ai vu. Mais je reviens ici, puis... Puis la job ?» l'entrecoupa Jonathan en changeant de vitesse. Il avait l'air si chétif avec son visage de chien battu, mal rasé, ses cheveux fous retombant sur son front. « Ah !» se rappela Amélie. « J'ai eu une promotion. Première officière. Ils ont même parlé de m'équiper d'un prototype. Une espèce de projet jamais vu. High-tech. Hein ?» remarqua Jonathan nonchalamment. « Cool, ça ?» Et là, portant les marques de la bataille, Amélie dévisageait un mari qui ne retournait pas son regard. Une question lui tordait la langue. Tout à coup, il ne semblait plus y avoir aucune raison de se retenir. Plus aucune raison de se taire. « Est-ce que tu m'aimes ? » osa-t-elle franchement. Il fallut quelques secondes à Jonathan pour qu'une réaction suive la question. D'un geste de la main, il interrompit la course, se retourna vers son épouse. La pièce était devenue péniblement silencieuse. « Ça va ?» demanda-t-il, vaguement inquiet. Ses yeux cernés remarquèrent l'armure, les taches de sang, les marques de couteau sur les plaques métalliques. Les gants aux jointures de fer, conçus pour frapper, pour casser des mâchoires. « Non. » répondit Amélie, froidement. Pas de précision, juste voir s'il était intéressé. Mais elle pouvait lire son expression parfaitement, sa déconfiture. Tout était si clair maintenant. « Vas-y, » pensa-t-elle, « demande-moi si je prends encore mes médicaments. »« Bébé !» commença alors Jonathan. « T'as-tu pris tes médicaments aujourd'hui ?» Amélie sourit, là, dans le salon. Un sourire en coin, complice. La haine. Enfin. « Dehors !» fit-elle à travers ses lèvres serrées. « Quoi ?» bredouilla Jonathan, relevant les sourcils, Pato. Dehors! Répéta Amélie, refermant une main gantée. Il ne fallut qu'une autre seconde d'hésitation de la part de Jonathan pour qu'Amélie frappe. Son bras se rétracta à peine, l'espace seulement d'envoyer un puissant crochet au visage de son mari. Balayé par la force, Jonathan roula en bas de son fauteuil, une volée de fromagios orange catapultée dans sa chute. « Dehors !» ordonna Amélie, jointure serrée. Jonathan se releva en titubant. En état de choc, percuta les meubles en reculant de frayeur. Il vacillait, autant par la violence du coup de poing que par la puissance du loxicalme dans ses veines. « T'es folle ?» cria-t-il en balayant le sang qui lui coulait du nez. « Tu peux pas faire ça !» Amélie n'en revenait pas de cette légèreté soudaine. C'était si facile. « Ah bon ?» demanda-t-elle simplement. « Et qu'est-ce que tu vas faire ? Explique-moi, je veux savoir. Non, montre-moi, tiens. » Dans cette seule question, l'évidence même, la brutale vérité de la force physique. « Allez ?» insista-t-elle, faisant un pas menaçant vers l'avant. « Je vais... » bégaya Jonathan. Des perles de sang commençaient à jaillir d'une joue renfoncée, probablement fracturée. Jonathan s'appuya sur le dossier d'une chaise, défaillit, s'écroula sur le tapis beige. « Je vais appeler la police !» réussit-il à articuler, la voix brisée. Amélie s'approcha de la console multimédia. L'éteint triomphalement, tira les fils, arracha la boîte, balança l'équipement sur le plancher. « Quelle police ? » nargua-t-elle. « La loi, c'est moi. »